Histoire, actualité, actualité de la recherche, actualité des expositions d'histoire, actualité des relations entre recherche en histoire et société. Nous débuterons l'émission de ce vendredi avec Bruno Hichère en direct de la Croisette à Cannes pour son livre « La quinzaine des réalisateurs, les jeunes années 1967-1975 » paru chez Rive-Neuve. Puis Anaïs Quien avec Thomas Duterre à la réalisation nous conduira au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes dans l'exposition « Une histoire du monde en 100 objets » du British Museum jusqu'au 22 juillet en compagnie du directeur du musée et commissaire de l'exposition Vincent Adot. Enfin, nous reviendrons sur la polémique concernant la décision du Conseil d'État sur les archives du général de Gaulle datant de la Seconde Guerre mondiale avec Noé Wagner qui sera avec nous en direct dans notre studio. Et pour terminer, comme tous les vendredis, avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, C'était à la Une, nous propose un formidable texte contre la guerre signé Maupassant en 1884. Bruno Hichère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour une très courte durée, puisque vos obligations ainsi que les studios de Radio France à Cannes sont très bourrés en ce festival de Cannes pour nous parler de votre livre qui s'intitule « Quinzaine des réalisateurs, Société des réalisateurs de films à Cannes, les jeunes années 1967-1975 chez Rive-Neuve ». Un livre qui nous plonge dans cette période dont nous parlons très souvent depuis le début de l'année, la période de 1966 à 1968 et autour de cette question du cinéma, parce que si la quinzaine des réalisateurs naît en 1969, elle plonge ses racines dans des crises qui remontent aux années 66, 67 et 68, Bruno Hichère. Oui, tout à fait, parce que le début vraiment de 68 pour le monde du cinéma, c'est vraiment l'affaire Langlois en 68. En février 68, c'est ça, lorsque Langlois est démis de ses fonctions par Malraux. Mais elle plonge beaucoup plus loin avec toute une génération qui a été formée par Henri Langlois, qui se retrouve à la Cinémathèque. Donc il y a évidemment la Nouvelle Vague, mais toute une bande d'étudiants, de chercheurs, de passionnés surtout, qui viennent vraiment du monde entier pour se retrouver chez Langlois. Alors, donc Henri Langlois, la figure tutélaire de la Cinémathèque française, d'abord dans sa salle de la rue d'Ulm, puis dans sa salle de la Cinémathèque de Chaillot, qui protège donc une série de jeunes réalisateurs, de réalisateurs un peu plus âgés aussi, qui veulent peut-être changer le rapport justement de Cannes au cinéma. Et cela, ça se passe aux alentours de 66, 67, 68, comme je le disais, avec en particulier cette affaire Langlois en février 68. Et puis ensuite, effectivement, cette affaire se dénoue tout juste avant le début du festival de 1968, ces protestations qui vont donner lieu à ce que l'on connaît, c'est-à-dire ces grandes manifestations qui vont interrompre le festival de Cannes, Bruno Hichère. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le milieu du cinéma qui était régi par quelques syndicats, mais notamment du côté des techniciens, il n'y avait pas de syndicat du côté des réalisateurs. Et le mouvement de colère qui a suivi, qui a accompagné l'affaire Langlois, c'est transformé en un succès pour les contestataires. C'est-à-dire que Langlois a été réhabilité dans ses fonctions avant mai 68, mais donc ça a évidemment donné des idées. D'abord parce que les réalisateurs étaient en colère, étaient maintenant réunis, tous, et de façon plutôt apolitique, c'est ça qui est quand même absolument passionnant dans cette histoire, et qu'ils ne voulaient pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc quand mai 68 éclate, et notamment la nuit des barricades le 10 mai, Une délégation de réalisateurs décide de descendre à Cannes pour interrompre le festival qui, cet îlot de richesse et d'opulence totalement coupé du réel de ce qui se passait en France, et effectivement, il fallait l'arrêter. Voilà, et en particulier, il y a parmi eux celui qui sera à Cannes avec son dernier film, l'Helvète anarchiste, comme le dit Robert Favre-Levray, à savoir Jean-Luc Godard. Et tout de suite après cette interruption du festival, il y a des discussions qui s'ouvrent, expliquez-vous dans votre livre sur la quinzaine des réalisateurs, Bruno Hichère, avec la Société des réalisateurs de films qui vient de naître, qui propose justement qu'il y ait trois festivals en France. Cannes en septembre, qui se déplacera en septembre pour soutenir la saison d'hiver, un festival du court et du moyen métrage, un festival de la première œuvre, mais évidemment avec cette idée qu'il y aurait un jury vaste et démocratique, on est en 68, qui permettrait de faire remonter des films iraniens, algériens, égyptiens. Évidemment, ça ne marche pas auprès de Robert Favre-Lebré et de la direction du festival, mais c'est ce qui va faire naître progressivement, eh bien justement, cette quinzaine des réalisateurs qui naîtra pendant le festival 1969, Bruno Hichère. Oui, c'est ça, parce que les négociations ou les discussions entre le Festival de Cannes, Robert Favre-Lebré et donc le CNC et les autorités françaises, tout le monde était quand même terrorisé à l'idée que le Festival 69 se termine comme celui de 68, c'est-à-dire l'annulation et probablement la fin du festival, parce que deux éditions de suite comme ça, c'est terminé. Donc, effectivement, il voulait discuter, réformer, mais en même temps, compte tenu des demandes qui étaient faites, alors c'est quand même une époque formidable, parce que une des premières revendications, c'est l'abolition du port du smoking et des robes de soirée. Ouais, mais c'était vraiment obsessionnel, donc c'était assez drôle. Mais en tout cas, que la sélection ne soit plus faite par les pays, puisqu'il y avait quand même des pressions diplomatiques considérables liées à ces sélections de films, l'académisme du festival, et puis encore une fois, cet îlot complètement coupé du réel, il y avait quelque chose de l'ordre du racisme de classe qui était démontré là. Mais les négociations n'aboutissent pas, évidemment, et donc sur un coup de colère, Jean-Gabriel Abilcoco en particulier. Notamment, voilà, qui dit, bon, puisque c'est comme ça, puisque vous voulez rien entendre, et ben on va faire notre propre festival. Un festival sans compétition, sans protocole, gratuit. Et avec, combien avait-il la première fois en 69, il y avait 68 longs métrages et 40 courts qui étaient retenus, c'est ça? Alors, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, mais ce qui est formidable aussi, c'est qu'il n'y a pas d'archives. C'est-à-dire que, au fond, on ne sait pas très bien combien de films ont été projetés, parce que certains films sont arrivés pendant le festival, et c'était des gens qui arrivaient avec une petite bobine sous le bras, ou plusieurs bobines sous le bras, qui disaient, mais il paraît qu'on peut projeter des films à la quinzaine, et c'était selon, on lui disait, bah oui, pourquoi pas, ou non. Oui, comme ce Cubain qui vient avec deux films cubains qui sont projetés, parce que les droits de diffuser les autres n'ont pas été encore rendus pour la première soirée du festival, et Pierre-Henri Delot, qui était chargé du festival par Jacques Daniel Valcroze, projette deux films cubains qui, c'est une chance, il ne les avait pas vus, qui sont des films bons, en l'occurrence. Oui, et Pierre-Henri Delot qualifie ça lui-même d'une petite escroquerie miraculeuse. et le film est un choc. Hein. Enfin, les deux films sont un véritable choc dans pour le public. Et tout le monde l'a félicité pour cette surprise magnifique. Et lui en était le premier surpris. Il y a des chocs négatifs comme celui de Téchiné présentant son premier film, Paulina s'en va, et qui lui ne voit que quelques personnes qui sont dans la salle et qui s'en vont au fur et à mesure de la projection, et qui gardera un souvenir cuisant de cette première quinzaine des réalisateurs. Vous racontez par le menu, vraiment, Bruno Hichère, dans votre livre Les Jeunes Années, quinzaine des réalisateurs, grâce aux témoignages de ceux et celles que vous avez recueillis, qui ont fondé ce festival et cette quinzaine des réalisateurs, vous racontez par le menu toutes ces aventures. Il faut les lire. Vous avez prévu un deuxième tome, puisque Les Jeunes Années, ça court jusqu'en 75. Non, à vrai dire, j'avais pas du tout prévu ça, mais compte tenu du fait que l'idée était vraiment pas de faire un livre d'historien, mais de faire un récit vivant. Et très vivant. De la quinzaine, et de rencontrer donc tous ceux qui avaient, essayer de rencontrer tous ceux qui avaient participé aux toutes premières éditions. Et à la fois la richesse des anecdotes et le caractère totalement à la fois enthousiaste, passionné et très très très amateur quand même de tout ça produit une certaine fraîcheur en tous les cas. Voilà, on peut imaginer ce que c'était à l'époque et qu'ils ont quand même dû bien bien s'amuser. Et puis on peut imaginer un jeune roux montant avenue de Messine le 20 février 68 pour la manifestation devant le siège de la Cinémathèque. Il s'appelait Daniel Cohn-Bendit et il dit à tout le monde qu'il voulait partir. Mais non, restez, c'est là où ça va se passer. Et il a effectivement raison, c'est là où se passera effectivement un certain renversement dans la position vis-à-vis de Henri Langlois. On peut aussi découvrir d'autres anecdotes tout à fait succulente qui nous raconte par le menu ce qu'était cette ambiance de 68-69. Je vous remercie Bruno Hichère d'avoir ouvert cette émission d'actualité de La Fabrique de l'Histoire, et bon festival. Merci beaucoup. Allez, traversons la France après Cannes et avant de revenir dans une deuxième partie d'émission à Paris, nous partons maintenant pour Valenciennes où Anaïs Quien et Thomas Duterre ont rencontré le commissaire de l'exposition Vincent Adeau, l'exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, une histoire du monde en 100 objets. Vincent Adeau, bonjour. Vous êtes le directeur du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes et commissaire de cette exposition, une histoire du monde en 100 objets, du British Museum en sous-titre, parce que cette grande exposition a une histoire en elle-même. Elle a déjà circulé énormément à travers le monde et tout commence d'ailleurs, il me semble, par l'histoire d'une émission de radio. Oui, c'est ça, tout à fait, en fait. Le concept d'une histoire du monde en 100 objets naît au British Museum il y a une petite dizaine d'années. Donc c'est le directeur du musée, qui est Monsieur MacGregor, qui a travaillé notamment avec ses équipes sur la sélection de 100 objets de ses collections pour raconter de la manière la plus complète possible l'histoire de l'humanité, en collaboration avec la BBC, qui a effectué donc 100 reportages sur les pièces sélectionnées. Ça, c'est vraiment la genèse de ce concept. C'est pas une exposition à part entière quand ça s'est créé en fait en Grande-Bretagne. Et puis le concept fonctionne tellement, les podcasts notamment des reportages de la BBC sont très appréciés et le British Museum décide d'en faire une exposition qu'on puisse partager avec le monde dans le sens concret du terme, donc une exposition qui puisse être itinérante. Elle l'est depuis la fin de 2014. Elle a été présentée notamment à Abu Dhabi, à Tokyo, à Taipei, à Kobe, à Kyushu, à Canberra, à Pékin et à Shanghai. Et désormais, elle vient pour la première fois en Europe à Valenciennes. D'ailleurs, il y avait même eu, à l'époque de l'exposition britannique, une plateforme ouverte au monde entier et chacun pouvait proposer son propre objet porteur d'histoire. Tout à fait, oui, c'est le cas. Lorsque le concept est né, il a été proposé aussi au public, aux visiteurs, aux spectateurs, de choisir un objet qui parle le mieux de la société actuelle. Et le choix a été porté sur une lampe électrique à énergie solaire, voilà, pour parler de la question de développement durable, d'électricité. Je pense que voilà, c'est une notion qui nous définit bien, effectivement. Alors évidemment, nous n'aurons pas le temps de couvrir ces 100 objets avec vous, Vincent Adeau. C'eût été un plaisir. Donc on va en choisir quelques-uns. Donc là, nous sommes dans la toute première salle de l'exposition et nous sommes arrêtés devant la première vitrine. Là, donc une vitrine qui commence au tout début de cette histoire de l'humanité. Tout à fait, effectivement, la première partie de l'exposition qui se déroule dans un ordre chronologique est consacrée donc légitimement au commencement, c'est-à-dire à nos premières avancées vers la modernité. Elle a pour ambition de démontrer notamment que la modernité n'est pas si récente que ça, que ses premières avancées sont très anciennes. Et l'une des choses qui définit le mieux l'homme, c'est le fait notamment de fabriquer des outils. C'est des choses que les animaux font très peu. Ils utilisent des outils, mais ils ne les façonnent pas forcément. Ici, on est face au plus ancien objet des collections du British Museum, qui est un petit galet façonné, qu'on appelle un chopping tool en anglais, qui vient des gorges d'Olduvai, donc le berceau de l'humanité, il y a quelques 2 millions d'années. Donc, en soi, c'est un caillou qui ressemble à un caillou. Quand on le connaît bien, on se rend compte que cet objet-là a une très grande valeur, puisque ce galet a été façonné notamment pour pouvoir débiter les ossements animaux, pour pouvoir les ouvrir et en extraire la moelle, ce que les autres espèces animales ne sont pas capables de faire. De cette moelle, l'homme s'est nourri, et durant les centaines de milliers d'années, les millions d'années, ça a permis notamment, parce que c'est très nutritif, de voir le cerveau humain se développer, notamment en volume. Donc on se rend compte que l'homme a façonné l'objet, mais quelque part, l'objet a également façonné l'homme. C'est intéressant de voir ce lien, finalement, de manière un peu bilatérale. C'est ce qu'on entend aussi montrer dans cette exposition. D'ailleurs, on imagine bien, une fois qu'on sait à quoi sert ce caillou, qu'il tient parfaitement dans la main d'un homme. Oui, effectivement, on le voit. Les premiers objets, ils sont vraiment purement usuels. Donc, ils sont faits pour tenir dans la main, ils sont faits pour être pratiques. Et puis peu à peu, ça aussi, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. On développe le beau. Donc juste à côté de ce petit chopping tool, ou ce petit galet aménagé, on trouve ce qu'on appelle un biface. Donc c'est de la pierre aussi taillée. Mais là, cette fois-ci, elle est plus esthétique, dirons-nous. Et notamment, elle est symétrique. La symétrie ne sert à rien, si ce n'est à faire du beau. Et là aussi, on est justement dans ces préoccupations humaines de recherche du beau. Qui ne sont pas forcément partagés avec les autres espèces animales. C'est intéressant de voir comment très rapidement, en fait, on se préoccupe de faire quelque chose d'esthétique. Vincent Hadeau, cette notion d'histoire universelle, d'histoire de l'humanité, on l'avait un peu oubliée, elle n'était plus très à la mode dernièrement. Elle semble réactivée par cette notion d'histoire mondiale et on voit disparaître, alors que nous sommes dans un musée des Beaux-Arts, justement ce beau artistique. Là, nous ne sommes pas devant des sculptures ou des peintures de maîtres à admirer. Mais vous verrez justement en vous baladant dans l'exposition que très rapidement et même à la fin de la première partie, on a de la sculpture, on a des objets d'art. Et par ailleurs, on a eu à cœur aussi en présentant cette exposition de faire en sorte que les visiteurs puissent découvrir nos collections. Les collections du Musée des Beaux-Arts qui sont très intéressantes, avec notamment Watteau, Carpeau, Rubens, donc que les visiteurs peuvent découvrir après s'être plongés dans cette longue histoire humaine. C'est ce qu'on entend aussi démontrer dans cette exposition, c'est-à-dire comment toutes nos histoires, cultures différentes, s'inscrivent finalement dans une grande histoire de l'homme avec un grand H. Donc c'est aussi l'un des enjeux et l'une des ambitions de cette exposition. C'est une visite très rapide dans la préhistoire, mais nous continuons malgré tout avec vous, Vincent Hadeau. Donc là, nous nous trouvons dans la deuxième salle, Vincent Hadeau, de cette exposition, et nous sommes entre 3000 et 700 avant notre ère, dans une partie intitulée « Les premières cités ». Oui, effectivement. Alors, on a vu que dans la première partie sur les commencements, il était question d'avancer vers la modernité. Et parmi ces grandes avancées, il y a notamment la sédentarisation, puisque l'homme est d'abord nomade. C'est comme ça qu'il a colonisé le monde, en fait. Puis il se sédentarise. Et là, c'est à peu près au même moment qu'émerge l'agriculture. Et cette deuxième partie, elle est consacrée aux premières cités. C'est-à-dire qu'on est sédentaire, on commence à se réunir, à s'agglomérer, à s'organiser pour vivre ensemble. Donc les premières cités, elles sont plutôt dans le Moyen-Orient, dans les vallées fertiles justement du Moyen-Orient, ces cités sumériennes, ces cités mésopotamiennes, où on commence à vivre ensemble, à développer des loisirs, à développer notamment l'écriture. Et on est là justement en face d'une vitrine qui comprend plusieurs pièces écrites anciennes. Une petite tablette qui est justement irakienne et qui a environ 4000 à 5000 ans, qui raconte qu'on a distribué de la bière aux ouvriers. Alors pour les gens du Nord, on se rend compte que finalement on apprécie la bière aussi en Irak il y a 5000 ans. C'est une tablette d'argile, c'est bien ça. C'est une tablette d'argile, alors très certainement au départ gravée dans la terre crue, c'est certain. Et puis on peut imaginer que la terre est devenue cuite peut-être par le biais d'un incendie. Et c'est comme ça finalement que l'œuvre est restée jusqu'à nous. Et à côté d'elle, une pièce extraordinaire qui s'appelle la tablette du déluge, qui elle vient d'Irak également et qui date d'environ 2600 à 2700 ans. C'est l'un des poèmes épiques, si ce n'est le poème épique le plus ancien de l'humanité. Donc ça n'est qu'un fragment, on voit bien qu'il manque une grande partie du texte autour de ce fragment. A priori, on aurait l'équivalent d'une page et demie. Oui, on peut dire ça à peu près. Alors, il est vrai que cette tablette, elle est lacunaire. Par ailleurs, elle fait partie d'une série de tablettes qui s'appelle, en fait, l'épopée de Gilgamesh, donc qui est un héros, justement, mésopotamien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a réussi à déchiffrer cette tablette, ça a pris du temps, parce que c'est du cunéiforme, et donc c'est un peu complexe à lire. On s'est aperçu, on est au 19e siècle, qu'elle raconte l'histoire du déluge. Et le déluge, en Europe, on le connaît à travers sa vision biblique et hébraïque. Et là, on était en plus face à un récit du déluge qui a été écrit avant le déluge biblique. Et là, on s'aperçoit du coup, effectivement, de ce qu'on partage culturellement. C'est-à-dire que les différentes parties du monde, et je l'évoquais encore la semaine dernière avec un visiteur indien, qui nous disait qu'ils avaient aussi leur propre histoire de déluge. Et finalement, il y a beaucoup de textes et d'idées fondatrices de nos sociétés actuelles qui sont partagées très anciennement par l'homme, qui sont des héritages très anciens, dont on a oublié l'origine, certainement, mais c'est intéressant de voir qu'on les partage. C'est à partir de ce constat-là, Vincent Hadeau, que le British Museum a accepté de se défaire temporairement de tous ces objets, parce que ça n'est pas une petite opération. Effectivement, c'est pas une petite opération, mais le British Museum, comme beaucoup de musées, comme nous, sans nous comparer évidemment, il est dans une optique de démocratisation, de partage, et donc il avait à cœur aussi, de montrer ses collections à l'international, ce qui est d'une part un partage, et puis d'autre part, aussi, en quelque sorte, ne nous mentons pas, de la communication, puisque ça permet aux visiteurs d'ailleurs de connaître nos musées et nos collections. Donc, je pense que c'est en cela aussi que le British Museum s'est proposé d'organiser en collaboration ce type d'exposition à travers le monde. À vous qui êtes directeur de musée, Vincent Adeau, et commissaire de cette exposition, de cette version française de l'exposition britannique, vous parliez de communication, justement. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière pour ces grands musées occidentaux de se donner un droit de conserver ces objets qui pourraient faire l'objet d'une demande de restitution par des pays d'où viendraient ces objets à l'origine, même si ces objets ont été conçus il y a si longtemps qu'on ne peut pas attribuer nationalement de manière très claire absolument tous les objets qui nous restent aujourd'hui? Oh, je dirais pas exactement. Je ne pense pas que le fait de prêter des œuvres légitime la propriété d'une œuvre à quelconque musée qui soit propriétaire de celle-ci. Sa valorisation peut-être? Éventuellement. Moi, je peux vous donner par exemple l'exemple de nos collections valenciennoises et beaucoup d'œuvres qui sont arrivées pendant la Révolution française. On connaît leur histoire, on sait qu'elles sont arrivées en période de conflit. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique de restitution, mais là, on est loin de cette problématique de restitution. On est plus dans le fait de partager, comme ça se fait de plus en plus, d'ailleurs. Donc la troisième partie sur le pouvoir et la philosophie, où on parle de l'extension des empires, du début du commerce. Et moi, je vais vous montrer une pièce relative à nos croyances. Oui, cette main magnifique. Oui, tout à fait. Il s'agit là, en fait, d'une main votive arabe en bronze qui date du 2e ou du 3e siècle de notre ère et qui vient, en fait, du Yémen. Elle a été offerte par un donateur qui a moulé sa propre main. On voit qu'il s'agit d'une vraie main, on voit les veines apparaître, on voit le petit doigt qui est cassé notamment. Et il est écrit sur cette main, reproduite en bronze, en arabe ancien, « Je t'ai offert ma main à toi, Talabriyam ». Alors Talabriyam, c'est le dieu protecteur de la ville de Riyam au Yémen, pour m'attirer la chance. Alors cette question de dieu protecteur des villes, c'est des choses qu'on a oubliées aujourd'hui, mais c'était partagé aussi en Europe. Si la ville d'Athènes s'appelle Athènes, c'est du fait notamment de la divinité Athéna, qui était la protectrice de la ville. Donc au Yémen, on avait le même type de croyance. Et donc ce monsieur-là, ce yéménite, avec cette petite main, il offre une partie de son corps, reproduite en bronze, pour attirer la chance. Alors finalement, c'est ce qu'on appelle un ex-voto. Mais aussi quand on n'est pas croyant, quand on se balade en ville et qu'on voit une jolie fontaine ou un joli puits, on prend une pièce de monnaie, on fait un vœu et on la jette. Et du coup, l'objet, il devient aussi, voilà, quelque part comme une sorte de don à une force surnaturelle. Et puis, on fait un vœu, on s'imagine que ça va nous attirer la chance. Finalement, on a exactement les mêmes réflexes, les mêmes manières d'exprimer les vœux et les mêmes manières d'utiliser l'objet pour se faire. Alors, autour de nous, on a des objets qui représentent à peu près toutes les religions, les spiritualités du monde. Oui. Alors, toutes, évidemment, c'est complexe à dire, mais les plus grandes sont représentées. Il est question de l'hindouisme, il est question du bouddhisme, il est question de l'islam, il est question également du début du christianisme, du paganisme, avec une jolie statue de Mitra, donc là, qui est un dieu païen européen. Il est question aussi de ses croyances méso-américaines. En bref, on essaye de voir comment sont nées les religions, quand sont-elles nées, et puis surtout pourquoi. Pourquoi les religions? C'est souvent pour répondre au grand mystère de la vie qui est la mort. On s'interroge sur l'au-delà et donc on se crée finalement... un récit qui tente d'expliquer et qui soigne cette angoisse peut-être. Qui nous rassure, et donc l'objet religieux, l'objet enseveli avec les morts d'il y a déjà plusieurs millénaires ou plusieurs dizaines de milliers d'années, c'est un objet aussi qui a quelque part vocation à nous rassurer. Commerce et invasion, Vincent Adeau. Donc... C'est la sixième partie de l'exposition qui s'étend sur la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, où il est question justement de liens avec les cultures lointaines. Ces liens, ils sont notamment facilités par les réseaux commerciaux. Je pense notamment à la route de la soie. Donc les objets voyagent, mais ils voyagent emmenés par des hommes, lesquels hommes tissent des liens avec ces populations lointaines, racontent leurs propres histoires. Et puis c'est comme ça, finalement, aussi que les cultures commencent à se métisser clairement. Ici, nous sommes face à un objet extraordinaire, exceptionnel, qui s'appelle le cristal de Lautère. C'est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie carolingienne. C'est un petit cristal de roche qui fait une quinzaine de centimètres de diamètre, qui a été gravé et réalisé pour le roi Lautère II. C'est l'arrière-petit-fils de Charlemagne, qui règne donc sur un royaume européen qui s'appelle la Lotharingie. La Lotharingie, ça s'étend à peu près des Pays-Bas jusqu'en Italie. C'est issu du partage du traité de Verdun après la mort de Charlemagne et de ses successeurs. Et donc, ce roi-là, pour que son royaume puisse survivre après sa mort, il lui faut des enfants. Et Lautère II n'arrive pas à avoir d'enfants avec son épouse. Il essaye donc de se remarier. Pour ce faire, il lui faut divorcer. Et même, finalement, au IXe siècle ou au Xe siècle, quand on veut divorcer, il nous faut une bonne raison. Que fait-il ? Il accuse son épouse d'adultère, mais de manière tout à fait injuste, évidemment. Le pape invalide cette accusation, et Lautère II ne pourra pas divorcer, et son royaume va disparaître avec lui pour former, finalement, ce qui deviendra la France et l'Europe. Et l'objet qui appartient à Lautère II, que nous avons face à nous, justement, il raconte l'histoire biblique de Sainte Suzanne et des vieillards, qui est une histoire d'accusation injuste d'adultère. C'est ce que raconte un peu ce cristal, donc taillé dans le cristal de roche. On voit des hommes lever la main sur Suzanne dans un geste d'opprobre, en quelque sorte. Et puis arrive le prophète Daniel, qui mène son enquête, qui innocente Sainte Suzanne. Et finalement, les vieillards sont lapidés. Il est question là vraiment quelque part de la situation de la femme, de l'indépendance de la justice également, et puis là on a en fait une mise en abîme de l'histoire matrimoniale de Lautère II et de cette histoire de la fondation européenne. C'est donc qui a offert ou qui a commandé cet objet miroir par excellence de l'histoire de Lautère II ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a été réalisé pour Lautère II, peut-être à sa demande, ça je ne le sais pas, mais c'est ce qui est écrit, puisqu'il y a des petites gravures qui viennent légender en fait les différentes scénettes de l'histoire de Sainte Suzanne. Cet objet, il a sans doute été fabriqué à Aix-la-Chapelle, qui est en fait la capitale impériale carolingienne. Et puis, on perd sa trace jusque quelques siècles plus tard, durant la fin du Moyen-Âge notamment, où l'objet est conservé dans une abbaye belge de la province de Namur. Il quittera cette abbaye, en fait, suite à la Révolution française. Vous savez que pas mal d'édifices religieux, en fait, sont désaffectés, détruits et vidés de leurs œuvres. Dans cette abbaye, on a jeté le cristal dans la Meuse. Il a disparu pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert et acheté par un collectionneur britannique qui aura fait plus tardivement ce don au British Museum. Sait-on pourquoi le British Museum a choisi de faire apparaître dans cette série de 100 objets représentatifs de l'histoire du monde cette pierre gravée? Alors je peux vous le dire là, vraiment, parce que cet objet-là, en fait, il fait partie de la première série de 100 reportages dont nous parlions tout à l'heure avec la BBC il y a une dizaine d'années, mais il n'a jamais fait partie de l'exposition. Et c'est nous qui en avons formulé la demande. Tout simplement parce que c'est une pièce vraiment d'une grande finesse qui montre justement cet artisanat carolingien. Ce qui est intéressant aussi, c'est voir l'esthétique un peu classique, ces personnages habillés en toge à la romaine qui nous intéressent énormément. Et puis, la Lotharingie, le royaume de Lautère, nous y sommes. C'est-à-dire que Valenciennes en faisait partie. L'Escaut qui traverse Valenciennes était une des frontières du royaume. Donc on est heureux, finalement, de faire revenir temporairement cet objet dans le royaume de Lautère II. Continuons notre cheminement dans cette histoire du monde à travers ces 100 objets. Là, nous sommes devant un groupe d'objets. Un groupe d'objets qui pourrait être, oui, c'est bien ça, des pièces d'un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs qui s'appelle le jeu d'échecs de Lewis. C'est, entre guillemets, une des vedettes des collections du British Museum. En fait, c'est un jeu d'échecs qui a été principalement constitué en ivoire de morse. fabriqué probablement en Norvège et découvert sur des plages écossaises au début de l'époque moderne. Le jeu d'échecs, lui, date du XIIe siècle. Et on reconnaît bien cette veine viking. Ah, complètement, là, oui, on est dans les influences vikings. C'est très intéressant de le voir, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la forme que prend le jeu d'échecs. Parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que le jeu d'échecs, il vient de loin. Il vient notamment d'Inde. Et quand on jouait aux échecs en Inde, les pions, c'était des éléphants. Puis, ils migrent avec les humains, ce jeu d'échecs, vers le Moyen-Orient, où là, on joue avec un vizir et des pions. Et puis, ils migrent encore vers l'Europe. Et là, on joue avec notre société. Donc, l'expression « jeu de société » prend totalement son sens. On joue avec son roi. On joue avec sa reine, on joue avec ses évêques, ses cavaliers. Et là, justement, on a le couple royal, notamment, qui est représenté ici dans l'exposition. Le roi qui est représenté assis le glaive sur ses genoux, qui est un roi, en fait, combattant. Et que fait la reine pendant que le roi se bat ? Eh bien, elle a la main sur le visage, une attitude un peu particulière qui nous interroge un peu. On se demande si c'est de la stupéfaction, si elle est fatiguée, mais pas du tout, elle réfléchit. C'est-à-dire que c'est la reine conseil qui élabore notamment la stratégie politique et est une régente qui s'occupe en fait du royaume pendant que le roi est à la guerre. Donc elle incarne la politique elle-même. C'est ça, tout à fait. Donc finalement, des petits objets que sont ces jeux, qui sont donc des objets assez usuels, bah, ils racontent l'évolution de la société, l'évolution de la femme dans les hautes strates aristocratiques. Et c'est ce qu'on aime en fait dans cette exposition, c'est que vraiment, quand on prend le temps de se pencher sur ces objets, on se rend compte qu'ils ont un message. C'est une sorte de porte ouverte finalement sur ces cultures anciennes. Puis il y a une petite anecdote pour le jeu d'échecs de Lewis aussi, c'est une star hollywoodienne, puisque c'est un figurant de la saga Harry Potter. Le jeu d'échecs de Lewis, en fait, c'est le petit jeu d'échecs version sorcier qui appartient au grand-père de Ron Weasley et qui est donc au même format que le nôtre, mais qui s'anime. C'est-à-dire que quand la reine se trouve face au roi de l'équipe adverse, elle se lève de son siège, elle le prend et elle tabasse en fait son adversaire de manière tout à fait cordiale, de sorte que Ron puisse gagner sa partie face à Harry. C'est le jeu auquel se livrent ces adolescents régulièrement. Effectivement, on est dans cette esthétique bah voilà, très, très médiévale, imaginaire, nordique, qui est appréciée aujourd'hui, notamment dans le cinéma d'animation. Donc c'est un jeu d'initiation. Complètement. Alors là, nous quittons l'Europe et l'Occident, Vincent Adeau, pour nous retrouver au Bénin, c'est bien cela ? C'est cela, on est au Bénin, là, au XVIIe siècle, on quitte même le Moyen-Âge en fait. Parmi les dates communément admises pour marquer la fin du Moyen-Âge, on a celle de 1492, qui est celle de la découverte des Amériques, ce qui fait que la période moderne est en fait une période de contact, de rencontre avec des peuples éloignés. Et c'est ce qu'on essaye voilà, de montrer dans cette partie de l'exposition. Et là, nous sommes face à trois plaques de laiton qui viennent de la ville de Bénin, au Nigeria, et qui datent du XVIIe siècle. Ces plaques représentent en fait un roi nigérian qui s'appelle le Oba, qui est représenté en position centrale. Et à l'arrière-plan, des personnages un peu bizarres, ce sont les Européens. Et on trouve ça assez intéressant de nous voir comme des personnages de second plan, ce que nous sommes. Hein, on n'est pas toujours des personnages de premier plan. Et ces plaques-là, finalement, nous remettent dans un contexte aussi, on est tous les étrangers les uns des autres, en quelque sorte. Au XVIe siècle, le Portugal, notamment, a beaucoup de contacts avec le Nigeria, des contacts commerciaux. On importe d'Afrique l'ivoire, les épices, et on apporte en Afrique le laiton. C'est justement sur du laiton, peut-être européen d'ailleurs, que sont fabriquées ces plaques de Bénin. Donc on est sur de l'art africain, avec des matières probablement d'importation européenne. Donc c'est une sorte de métissage culturel il y a 500 ans. Ça nous réinterroge finalement sur, voilà, sur nos propres cultures, sur l'assimilation culturelle, sur ce côté bilatéral de l'assimilation culturelle, ni forcé, ni forcément vécu de manière passive. C'est ce qu'on aime aussi à faire dans cette exposition, c'est voir autrement, voir différemment, sous un angle vraiment original, notre histoire humaine et les relations à l'autre. Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie... Sans transition, comme on dit, nous passons donc de cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, avec cette visite par Anaïs Quien de cette exposition sur l'histoire du monde en 100 objets par le British Museum, à une archive de Gaulle. Bonjour Noé Wagener. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en l'occurrence docteur en droit public, maître de conférence en droit public à Paris-Est Créteil et spécialiste de la protection du patrimoine culturel. Et nous voulions vous interroger, nous recevons assez peu de spécialistes du droit dans la Fabrique de l'Histoire, sur une décision qui intéresse beaucoup les historiens, qui a été défendue par le Conseil d'État. C'était le mois dernier, mais la décision a été rendue publique il y a environ 3 semaines de cela. Qui traite des questions des archives de Gaulle pendant la période où il était à Londres entre 1940 et 1942 et qui nous intéresse directement en tant que histoire publique et histoire des historiens et des archives, Noé Wagener. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'une décision du Conseil d'État du 13 avril dernier, Conseil d'État plus haute juridiction administrative, et qui a rendu cet arrêt dans cette affaire, dans sa formation la plus solennelle. Un arrêt d'assemblée, arrêt dans lequel le Conseil d'État reconnaît la qualité d'archives publiques aux documents que vous évoquiez. C'est-à-dire 300 brouillons. C'est ça, 300 télégrammes, enfin manuscrits de télégrammes du général de Gaulle sur la fin de 40 à la fin de 42, donc en tant que chef de la France libre, alors qu'il se trouve à Londres. Alors pourquoi est-ce que le Conseil d'État procède à cette qualification? Pourquoi il ressent ce besoin-là? Eh bien, est-ce que c'est une étape nécessaire pour trancher le contentieux qui a trait à une revendication qu'a faite l'État de ces documents à la fin de l'année 2010, revendiquant la propriété de ces documents et demandant donc sa restitution, alors même qu'ils étaient depuis plusieurs décennies dans des mains privées. Voilà, alors c'était des documents qui étaient en mains privées et qui font partie de ce lot de documents qu'avait accumulé à la société Aristophile, qui était une association, une société de droit privé qui récupérait des archives sur le marché et qui faisait de tout un tas de petits propriétaires qui achetaient des parties de ces archives. Un bien privé qui se passait de main en main et qui pouvait devenir ainsi sortir de France, par exemple. Et là, en l'occurrence, le ministère de la Culture a protesté et a demandé à ce que ces archives brouillons du général de Gaulle à Londres entre 40 et 42 soient des archives appartenant à l'État. C'est cela, Noé Wagener. Tout à fait, oui. Parce que l'enjeu qui est derrière à reconnaître la propriété de l'État, c'est d'essayer de voir reconnaître le caractère imprescriptible de la propriété de l'État sur ces documents. Imprescriptible, ça signifie tout simplement qu'aucun individu, quand même il a depuis très longtemps ces documents entre ses mains, ne peut faire valoir aucun droit ou aucun titre sur ces documents. Ce qui permet de remonter parfois très loin dans le temps, c'est-à-dire un document qui parfois va se retrouver depuis 150 ans entre les mains d'une famille, va pouvoir être revendiqué par l'État. Et la grande particularité, et c'est pour ça que c'est si tentant pour l'État, l'État va pouvoir le revendiquer et le récupérer gratuitement. C'est-à-dire que l'individu possesseur de ce document ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de sa possession. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il s'agit de brouillons du général de Gaulle à Londres en 1940-1942 et que ainsi on décrète, le Conseil d'État décide, que ces brouillons sont propriété de l'État. Alors que pendant ce temps-là, à Vichy, il y a un État français qui continue à produire des documents. Et dans cette décision du Conseil d'État, eh bien, le Conseil d'État dit que les unes et les autres, brouillons du général de Gaulle et archives de Vichy, sont des archives publiques, en l'occurrence. Tout à fait. Alors, toute la difficulté, c'était de savoir si, pour qualifier ces documents d'archives publiques, de savoir si on pouvait les considérer comme des documents qui procèdent de l'activité de l'État, ce qui ouvre cette question magnifique et terrible en même temps, qui est de savoir où se trouve l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il se trouve à Londres ou est-ce qu'il se trouve à Vichy? Est-ce qu'il se trouve du côté de Pétain ou est-ce qu'il se trouve du côté de Gaulle? Et cette décision nous dit... Il se trouve aux deux endroits à la fois. Tout à fait. C'est ça qui est si particulier. Alors, il faut cette décision la lire d'ailleurs en miroir avec une décision de la Cour de cassation, donc la plus haute autorité judiciaire cette fois-ci, qui a rendu un arrêt le 22 février 2017, qui concerne spécifiquement les archives Pétain, des archives du maréchal Pétain de l'année 1940, alors qu'il est chef de l'État français, et qui reconnaît également la qualité d'archives publiques à ces documents. Et le Conseil d'État, pour assurer une sorte d'harmonie de jurisprudence dans sa décision du 13 avril 2018, dit bien expressément que le fait que les archives de la la France libre du général de Gaulle sont des archives publiques ne remet pas en cause le fait que les archives du maréchal Pétain au même moment sont des archives publiques. Ce qui évidemment, c'était un des grands arguments critiques que portaient les acteurs du marché des manuscrits et des autographes, ce qui évidemment à première vue paraît tout à fait inconcevable. Ce qui caractérise l'État, c'est sa souveraineté, son pouvoir de décider en dernier ressort, et on ne peut pas avoir deux souverains dans une même orbite. Or précisément, le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, parviennent à penser les deux. Ce qui donne effectivement le vertige d'une certaine façon, peut-être pas quand on est juriste, mais quand on est historien, parce qu'à partir de ce moment-là, on se dit, toute archive procédant de l'État français d'un côté et de Londres de l'autre côté peut être revendiquée par l'État. Mais vous m'expliquiez avant le début de notre discussion devant nos auditeurs, Noé Wagener, que tout compte fait, ça procède aussi d'une avancée assez systématique de la France dans ce domaine des archives en particulier et du patrimoine en général. Vous êtes spécialiste de la question du patrimoine culturel, d'une volonté de dire ça appartient au patrimoine culturel et ça fait pas mal d'années que ça a commencé. Alors effectivement, il y a deux questions différentes. Là, celle que vous évoquez à l'instant, c'est vraiment le fait que cette décision doit être pensée dans le cadre d'une vraie revitalisation de la politique de revendication par l'État d'éléments du patrimoine culturel qui se trouvent en main privée. Et ça court depuis une décision fondatrice, c'est une décision de 2004 dans laquelle l'État revendique des fragments de la colonne Vendôme qui avaient été récupérés par des individus lorsque celle-ci avait été mise à bas en 1871 et qui ont été récupérés au début des années 2000. Et depuis lors, on voit une multiplication des affaires connues comme le fragment du jubé de la cathédrale de Chartres, ou tout récemment, il y a quelques jours, la revendication par l'État de manuscrits du Mont-Saint-Michel, pourtant passé en main privée depuis deux siècles, montre à quel point, aujourd'hui, en matière de patrimoine culturel, l'État ne subit pas seulement des revendications, par exemple, d'États africains qui souhaitent le retour d'objets emportés à l'époque coloniale, mais également exerce... Il y a la mission de Felwinsard et de Bénédicte Savoie ont été missionnés par le président de la République pour pouvoir réfléchir à cette restitution des biens africains. On voit qu'en matière patrimoniale, finalement, il se joue énormément dans l'arène judiciaire où chacun revendique des droits à décider d'une sorte d'une chose et il revient au juge de trancher. Donc, c'est pas anodin qu'on voit à ce point se multiplier les contentieux en matière patrimoniale. C'est là que se joue le pouvoir de décider le patrimoine. Alors, tout de même, on se pose une question. On se dit, une décision comme celle-ci, vous l'avez dit, prise par le Conseil d'État dans sa plus grande assemblée, est une décision qui peut laisser les historiens un peu interdits. Qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence pour l'histoire ? Pour le droit, vous dites tout compte fait, Noé Wagener, que les juristes s'arrangent bien de ce genre de décision-là, ils les comprennent, ça participe de l'élaboration d'une nouvelle vision du droit, mais pour les historiens ? Alors, effectivement, en tout cas, ça révèle une caractéristique fondamentale du droit et des juristes, c'est qu'on n'a pas du tout le même rapport au temps que les historiens. On réécrit constamment, on n'a aucune difficulté, par exemple, et aujourd'hui, à penser doublement la qualité d'État sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça a comme incidence pour les historiens ? En réalité, pas tant que cela, sauf à considérer que... Sauf à ouvrir un débat entre historiens et juristes, par exemple. Oui, par exemple, la distinction entre les discours juridiques et entre la vérité juridique et la vérité historienne. Mais en réalité, si les historiens attendaient que la vérité de l'histoire soit posée dans les tribunaux, c'est le signe qu'on serait en présence d'une science qui serait bien mal barrée. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'il faut bien distinguer les registres de discours. Évidemment, dans les prétoires, on rend des décisions qui sont à peu près cohérentes, y compris sur le plan historique, mais néanmoins, on ne peut tirer aucune conséquence de ce qui se dit dans les prétoires sur la réalité de la science historique. Oui, et donc on va voir s'il y a des débats qui s'ouvrent, parce que moi je m'attendais, quand nous avons vu passer cette décision il y a trois semaines maintenant, à ce qu'il y ait un débat chez les historiens. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Peut-être cela viendra-t-il, mais en tout cas, c'est d'ores et déjà une décision importante du point de vue juridique, du point de vue d'histoire du droit, par exemple. Tout à fait, puisqu'on arrive à concilier à la fois la fiction gaulliste de la continuité de la République par-delà la Seconde Guerre mondiale et en même temps l'avancée extraordinaire du discours du Veldiv et puis de ces arrêts du Conseil d'État, arrêt Papon, avis Hoffmann, etc., par lequel l'État républicain se trouve tout de même reconnu responsable de ce qui est commis sous Vichy. Et finalement, cette décision, de manière simple, concilie, parce que c'est la vérité du juriste, concilie ces deux points de vue simultanément. Après qu'on parle qu'on parle assez peu en réalité de cette décision. Vous savez, on est habitué à ce qu'on parle peu des décisions du Conseil d'État. Et finalement, je suis assez peu choqué qu'on parle peu de cette décision, alors même qu'on a peu parlé de décisions qui récentes, qui mettent en cause des libertés fondamentales, le droit des étrangers, etc. Et finalement, qu'on ait peu parlé de celle-ci n'est pas non plus si surprenant. Mais il était normal qu'on en parle dans la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous, Noé Wagener, d'être venu nous la présenter, puisque vous évoquiez la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous allons terminer cette émission avec un autre plaidoyer contre la guerre, un plaidoyer qui remonte à la fin du 19e siècle. Le très grand Guy de Maupassant s'interroge dans un texte, c'était à la une du jour, dans un texte formidable, extrêmement bien écrit, sur la nécessité ou non, en particulier de faire la guerre, mais également de demander à ceux qui ont fait la guerre de passer devant un tribunal après l'avoir déclenché. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Gil Blas, 11 décembre 1883. La guerre. Donc, on parle de guerre avec la Chine. Pourquoi ? On ne sait pas. Les ministres en ce moment hésitent, se demandant s'ils vont faire tuer du monde là-bas. Faire tuer du monde leur est très égal, le prétexte seul les inquiète. La Chine, nation orientale et raisonnable, cherche à éviter ces massacres mathématiques. La France, nation occidentale et barbare, pousse à la guerre, la cherche, la désire. Quand j'entends prononcer ce mot « la guerre », il me vient un effarement, comme si on me parlait de sorcellerie, d'inquisition, d'une chose lointaine, finie, abominable, monstrueuse, contre nature. Quand on parle d'anthropophage, nous sourions avec orgueil en proclamant notre supériorité sur ces sauvages. Quels sont les sauvages ? Les vrais sauvages ? Ceux qui se battent pour manger les vaincus ou ceux qui se battent pour tuer rien que pour tuer ? Une ville chinoise nous fait envie. Nous allons pour la prendre massacrer 50 000 Chinois et faire égorger 10 000 Français. Cette ville ne nous servira à rien. Il y a là une question d'honneur national. Et ceux qui vont périr là-bas sont des jeunes hommes qui pourraient travailler, produire, être utiles. Leurs pères sont vieux et pauvres. Leurs mères, qui pendant 20 ans les ont aimés, adorés comme adorent les mères, apprendront dans 6 mois que le fils, l'enfant, le grand enfant élevé avec tant de peine, avec tant d'argent, avec tant d'amour, est tombé dans un bois de roseaux, la poitrine crevée par les balles. La guerre. Se battre, tuer, massacrer des hommes. Et nous avons aujourd'hui, à notre époque, avec notre civilisation, avec l'étendue de science et de degrés de philosophie où est parvenu le génie humain, des écoles où l'on apprend à tuer de très loin, avec perfection, beaucoup de monde en même temps. Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple entier ne se lève pas contre les gouvernements. Quelle différence y a-t-il entre les monarchies et les républiques ? Le plus stupéfiant, c'est que la société tout entière ne se révolte pas à ce seul mot de guerre. Un artiste habile en cette partie, un massacreur de génie, M. de Moltke, a répondu, voici 2 ans, au délégué de la paix, les étranges paroles que voici. La guerre est sainte, d'institution divine. C'est une des lois sacrées du monde. Elle entretient chez les hommes, tous les grands, les nobles sentiments, l'honneur, le désintéressement, la vertu, le courage, et les empêche, en un mot, de tomber dans le plus hideux matérialisme. Ainsi, se réunir en troupeau de 400 000 hommes, marcher jour et nuit sans repos, ne penser à rien, ne rien étudier, ne rien apprendre, ne rien lire, n'être utile à personne, pourrir de saleté, coucher dans la fange, vivre comme les brutes, dans un hébétement continu, piller les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, puis rencontrer une autre agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de chair pilées mêlées à la terre boueuse et rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes emportés, la cervelle écrabouillée sans profit pour personne, et crever au coin d'un champ, tandis que vos vieux parents, votre femme et vos enfants meurent de faim, voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Les hommes de guerre sont les fléaux du monde. Nous l'avons vu, la guerre. Nous avons vu les hommes redevenus des brutes affolés, tués par plaisir, par terreur, par bravade, par ostentation, alors que le droit n'existe plus, que la loi est morte, que toute notion du juste disparaît. Nous avons vu fusiller des innocents trouvés sur une route et devenus suspects parce qu'ils avaient peur. Nous avons vu tuer des chiens, enchaînés devant la porte de leur maître pour essayer des revolvers neufs. Nous avons vu mitrailler par plaisir des vaches couchées dans un champ, sans aucune raison, pour tirer des coups de fusil, histoire de rire. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Pourquoi ne jugerait-on pas les gouvernants après chaque guerre déclarée, s'ils étaient convaincus de faute ou d'insuffisance? Du jour où les peuples comprendront cela, du jour où ils refuseront de se laisser tuer sans raison, du jour où ils se serviront, s'il le faut, de leurs armes contre ceux qui les leur ont données pour massacrer, la guerre sera morte. Et ce jour viendra. Si nous avons la guerre avec l'Empire du Milieu, le prix des vieux meubles de lac et des riches porcelaines chinoises va baisser beaucoup, messieurs les amateurs. Maufrigneuse, pseudonyme de Guy de Maupassant. Voilà, encore une histoire de pillage d'œuvres d'art. C'était enregistré au lycée Jacques Decour avec Daniel Königsberg qui interprétait ce texte de Maupassant dans une réalisation de Séverine Cassard. Vous pouvez réécouter évidemment ce texte et lire l'intégralité de ce texte sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, notre partenaire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Jacques Azubert nous a accompagné à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Souhaitons bon 20 ans, 20e anniversaire au Clionaute, cette association de professeurs d'histoire géographie qui se réunit demain, samedi 12 mai, à la FIAP, 7 rue Cabanis à Paris, dans le 14e arrondissement, avec Cynthia Gora-Gobin, Erwan Le Gall, Xavier Leroux, Yvan Gasteau, Benoît Falaise, Thomas Merle, Christian Gratalou et Jean-Noël Jeannonet, dont l'émission, donc demain, portera sur l'Église catholique et la République 1789-2018 avec Philippe Boutry, et demain, Concordance des temps sur France Culture à 10h.